Et donc, comme je viens de dire, on reprend l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On est arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il nous dit « Babu qawlillahi ta'ala, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassathu » من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. Et donc le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut. Et si on lui fait goûter une miséricorde venant de nous, après qu'il fut touché par une difficulté, alors il dira « Ceci est à moi ». Mujahid, il dit dans l'explication de ce verset, هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ. Il explique, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est la personne qui dit, concernant ce qu'elle a, ça je l'ai obtenu par rapport à mon travail et je le mérite. Et donc la personne ne va pas attribuer ce qu'elle possède à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ne va pas dire que c'est Allah qui lui a accordé cela, mais elle va dire je l'ai eu par rapport à mon travail. L'auteur qui nous dit wa qala ibn Abbas yuridu min indi, et donc Ibn Abbas qui dit cela vient de moi. Et donc barakallahu fikoum au shafkar, ici l'auteur dans ce chapitre il va nous parler de ce qui contredit l'aspect complet du tawhid. Le musulman doit faire attention aux propos qu'il utilise. Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde des bienfaits, que ce soit argent, demeure, enfant, épouse, monture, etc., etc. Tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé fait partie de ses bienfaits. Et donc, il est important que le musulman n'utilise pas dans ses propos des termes ambigus qui impliquent et qui montrent qu'il rejette les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui. Mais le musulman doit être clair et montrer que les bienfaits qu'il a, que ce qu'il a vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'auteur qui nous cite aussi, qui nous dit... Donc concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi, il dit certes cela je l'ai eu par une connaissance que j'ai. Et donc Qatada qui dit dans l'explication de ce verset ala ilmin minni bi wujuhil makasib. Et donc Qatada qui dit, cette personne, elle prétend avoir cela par une science qu'elle possède, une connaissance qui permette de connaître les moyens de gagner de l'argent. Et donc cette personne, elle prétend avoir de l'argent par rapport à la science qu'elle a eue. C'est ma science dans le commerce qui a fait que je suis arrivé jusqu'à cela, qui a fait que j'ai tout ça, qui a fait, c'est mes connaissances, c'est mon travail, c'est moi. La personne n'affilie pas cela Allah تبارك وتعالى وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. Et d'autres savants disent que ce qui est voulu ici, et donc la personne dit qu'elle a cela d'après une science venant d'Allah تبارك وتعالى, que cette personne mérite cela. Et ça aussi c'est une parole sans science. Tu es en train de parler d'Allah تبارك وتعالى sans science. Il nous dit l'auteur rahimahullah wa hadha ma'na qawli mujahid utituhu ala sharaf. Et donc ça c'est le sens de la parole de Mujahid lorsqu'il dit j'ai eu cela par noblesse. Tayyib. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, il nous dit ici wal maqsoud annahu yanbaghi lil muslim أن يتحرز من الألفاظ التي توهم إنكاره نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. Il dit donc le Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, Et donc, ce qui est voulu ici dans ce chapitre, c'est qu'il est convenable aux musulmans qu'ils délaissent les termes qui vont faire croire qu'ils rejettent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. وَأَنْ يُظْهِرَ حَمْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِلِسَانِهِ. Mais le musulman doit mettre en évidence le fait qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue. وَيَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ. Il va avoir la ferme croyance de cela dans son cœur. وَأَنْ يَصْرِفَ نِعْمَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَا حَابِّ اللَّهِ وَمَرَاضِيهِ. Et qu'il va utiliser les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'Allah aime et ce dont il en est satisfait. فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ يَسْتَجْمِعُ الشُّكْرَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et c'est par ces trois éléments-là que l'individu, que le musulman va réunir le fait de réunir les conditions pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala correctement. الإقرار بنعمه باطنا والتحدث بها ظاهرا. Le fait donc d'accepter et le fait d'admettre les bienfaits d'Allah sur nous dans notre cœur, ça c'est un. Deux, le fait d'en parler ouvertement et donc le fait que tu dises oui, ce que j'ai c'est Allah qui me l'a accordé. Oui, ce travail que j'ai c'est Allah qui me l'a accordé. Oui, cet argent que j'ai, c'est Allah qui me l'a accordé. Cette demeure que j'ai, c'est Allah qui me l'a accordé. Tu ne dis pas, non, c'est moi, ma richesse, mon savoir, mes connaissances, mes muscles, mes bras, etc., mes révisions, etc. Non, c'est Allah qui me l'a accordé. يعني يعلنوا أن هذا من الله. Et donc, c'est-à-dire que la personne montre publiquement que c'est bien fait, que ce qu'elle a vient d'Allah. والثالث et le troisième point, صرفها في مرضات مواليها ومسديها وهو الله سبحانه وتعالى فبهذه الثلاثة الأمور يصبح العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى معتقدا بفضله عليه متلذذا له متذللا له. Et donc la personne aussi, donc troisièmement, elle va utiliser ces bienfaits-là dans les causes de la satisfaction de celui qui lui a accordé ces bienfaits, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est par ces trois éléments que la personne va réellement, correctement remercier Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite, le cheikh l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous cite un hadith, un long hadith. Il nous dit: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. D'après Abu Hurairah radiallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: il y a trois hommes parmi ceux de Benou Israël. Un qui est lépreux, un chauve et un aveugle. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu les éprouver. Il a donc envoyé vers eux un ange. Cet ange est d'abord allé voir El Abras, c'est-à-dire le lépreux. Il est d'abord allé voir le lépreux et il lui a dit: qu'est-ce que tu aimerais le plus? قال لونٌ حسن وجلدٌ حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. Alors le lépreux, il a répondu à l'ange en disant: ce que j'aimerais le plus, c'est une belle couleur ainsi qu'une belle peau, et que ce que j'ai qui me touche et qui a fait que les gens m'ont méprisé par cela disparaissent. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. Alors l'ange l'a touché et justement ce qu'il avait a disparu et il lui fut accordé une belle couleur ainsi qu'une belle peau. قال فأي المال أحب إليك. Alors l'ange lui a dit: quel est le bien que tu aimerais le plus posséder? Qal al-ibil aw al-baqara shakka Ishaq. Alors là, le lépreux, ou l'ancien lépreux, il a répondu en disant, ce que j'aimerais le plus, c'est donc des chameaux ou alors des vaches. Ici, c'est le narrateur qui doute. فَأُعْتِيَ نَاقَةً عُشَرَى وَقَالَ بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. Et donc ici, alors il lui fut accordé donc une chamelle qui était sur le point de mettre bas, qui allait mettre bas peu de temps après. Et l'ange lui a dit qu'Allah t'accorde la bénédiction dans celle-ci. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه فأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. Et donc ensuite l'ange est allé voir الأقرع, le chauve. Et lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il a dit, j'aimerais avoir de beaux cheveux et que ce qui m'a touché et qui a fait que les gens me méprisent disparaisse. Alors l'ange l'a touché. L'ange l'a touché. Et alors cela a disparu et il lui fut accordé donc de beaux cheveux. Et lui dit, quel est le bien que tu aimerais le plus avoir? Il a dit, donc, des vaches ou alors des chameaux. Alors on lui a accordé une vache qui était pleine. Et l'ange lui a dit qu'Allah t'accorde la bénédiction en cela. فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Et donc ensuite l'ange est allé voir l'homme qui était aveugle et il lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais le plus? Il lui a dit, j'aimerais qu'Allah me redonne ma vue et que je puisse voir les gens. Alors l'ange, il l'a touché. Et donc, ensuite, après cela, Allah lui a redonné sa vue. Il lui a dit, quel bien aimerais-tu le plus posséder? Il a dit donc des moutons. Alors, cela lui fut accordé. Donc, il lui fut accordé donc une chèvre qui devait mettre bas. Alors, les deux premiers qui ont été cités précédemment, leurs bêtes ont mis bas, ainsi que celui-ci. Et donc, le premier avait avec lui un grand nombre. À la fin, donc, le premier avait avec lui un grand nombre de chameaux. Le deuxième avait avec lui un grand nombre de vaches. Et le troisième avait avec lui un grand nombre de moutons. Et donc, chacun fut guéri et avait quand même beaucoup de biens. Ils sont devenus riches, en fait. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. Ensuite, il est allé voir l'Abras. Il est allé voir le lépreux avec son apparence. Les savants nous disent l'apparence de lépreux. Et lui a dit, Rajulun miskin, wabnu sabil, qad inqata'at bil hibal fi safari. فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكْ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. Alors l'ange est allé le voir et l'ange lui a dit au lépreux, un homme pauvre et en voyage. Et certes, dans une situation difficile, aujourd'hui, donc, il a perdu ses moyens durant son voyage. Aujourd'hui, je ne trouve pas donc de solution concernant ma difficulté, sauf venant d'Allah, puis de toi. Alors je te demande par celui qui t'a donné ta belle couleur ainsi que ta belle peau et qui t'a donné l'argent, les biens que tu as, je te demande un chameau afin que je puisse l'utiliser durant mon voyage. Alors l'homme a répondu en disant, Al-hukuku kathira. On a beaucoup d'obligations, beaucoup de devoirs. On a beaucoup de devoirs. Fekole lahu ka'anni a'rifuk. Alors l'ange lui a dit, c'est comme si je te reconnais, comme si je te connais. Alam takun abrasa yakdharuka an-nasu faqiran. N'est-ce pas que tu étais un lépreux et que les gens te méprisaient, tu étais pauvre. Fa'ataka Allahu al-mal et Allah t'a donné les biens. Fekole innama waristu hadha al-mal kabiran an kabir. Alors là, cet ancien lépreux a répondu en disant, certes, cet argent que j'ai, ces biens que j'ai, je l'ai hérité en étant grand, c'est-à-dire en étant fort, avec déjà des biens, venant d'un grand fort. Et donc, c'est, je l'ai hérité en étant déjà dans une bonne situation. Alors là, l'ange lui a dit, in kunta kadhiban. فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. L'ange lui a dit, si tu es menteur, alors qu'Allah te ramène dans la situation dans laquelle tu étais. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي سُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. Et donc ensuite l'ange est allé voir donc le chauve avec son apparence, et il lui a dit la même chose qu'il avait dit au lépreux, et le chauve, il lui a donné la même réponse que le lépreux. Alors l'ange, il lui a dit, si tu es menteur, alors qu'Allah te fasse revenir dans la situation dans laquelle tu étais auparavant. قال فأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. Et donc il est allé, ensuite l'ange est allé voir l'aveugle, l'ancien aveugle, et lui a dit, un homme pauvre, un homme en voyage, qui a perdu les moyens durant son voyage. Aujourd'hui, je ne trouve de solution, sauf venant d'Allah, puis de toi. Alors je te demande par celui qui t'a donné la vue, une chèvre, afin que je puisse m'aider de celle-ci durant mon voyage. Qala qad kuntu a'ma. فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت. Alors à ce moment-là, l'ancien aveugle lui a dit, certes, j'étais aveugle et Allah m'a redonné la vue. Alors prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. Car par Allah, aujourd'hui, je ne vais pas te reprendre quoi que ce soit que tu as pris pour Allah tabaraka wa ta'ala. Fekol amsik malak. Alors là, l'ange, il a dit à cet homme, garde ton argent, garde tes biens. Fa innamabtulitum. Certes, vous avez été éprouvé. Fekod radiallahu anka. Allah est satisfait de toi. Wa sakhita ala sahibayk. Et Allah s'est courroucé concernant tes deux compagnons. Akhrajahu. Hadith rapporté par Al-Bukhariyu et Muslimun. Et donc on comprend, oh chers frères, dans ce hadith, que les riches et les pauvres sont éprouvés. Les pauvres sont éprouvés dans leur pauvreté afin qu'ils patientent, qu'ils montrent qu'ils patientent et qu'ils sont satisfaits de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a accordé. Les riches sont éprouvés dans leur richesse, qu'ils donc dépensent dans le bien, qu'ils dépensent dans le bien et qu'ils donnent dans le bien, et qu'ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur eux, que ce qu'ils ont vient d'Allah. Ce que tu as vient d'Allah, c'est Allah qui donne, et c'est lui qui retient. Et donc on comprend clairement que nous sommes tous éprouvés aux serviteurs d'Allah. Et c'est pour cela qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min, comme est surprenante la situation du croyant. Inna amra al-mu'mini kullahu khayrun, certes toute la situation du croyant est un bien. Fa in asabathu sarra shakar wa in asabathu darra sabar fa kana lahu khayran. Si c'est un bien qui le touche, le croyant, il remercie son Seigneur. Et si c'est un mal qui le touche, il patiente. Et dans tous les cas, c'est un bien pour lui. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Et cela n'est que pour le croyant. Et donc ça fait partie du tawhid, ô chers frères, ô serviteurs d'Allah. Nous devons nous rappeler de cela. Toujours remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Et aussi les savants, ils nous disent, on comprend de ce hadith, que tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés, si on veut les garder, si on veut garder ces bienfaits, alors en réalité nous devons les dépenser dans son sentier. Nous devons dépenser ces bienfaits, donc dans le bien, afin de pouvoir garder ces bienfaits qu'Allah nous a accordés. Mais si nous voulons que ces bienfaits disparaissent, alors à ce moment-là, nous devons les garder pour nous. Nous devons les garder pour nous et ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur nous. Et à ce moment-là, nous serons privés. Et donc, ici, cette leçon est très importante, ô chers frères, concernant le fait de remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, pour ses nombreux bienfaits. Je voulais prendre le deuxième chapitre, mais, inshallah, on va garder ça pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً